contes fées, l'univers de Louise Desmond. Bonjour, dit le mensonge. Bonjour, dit la vérité. Quelle belle journée que celle d'aujourd'hui, dit le mensonge. Alors la vérité est allée voir. Effectivement, c'était une belle journée. Alors la vérité est revenue. L'eau du lac est claire, fraîche, limpide, dit le mensonge. Alors la vérité est allée vérifier. Effectivement, l'eau du lac était claire, fraîche, limpide. Alors la vérité est revenue. Et si nous allions nous baigner, dit le mensonge, on passerait une super journée. Alors la vérité a suivi le mensonge. Ils se sont dévêtus, se sont jetés dans l'eau du lac et ils ont nagé, joué, chahuté. Quelle belle journée, une journée extraordinaire. Mais le mensonge est fourbe aussi. Est-il sorti de l'eau et a-t-il endossé les vêtements de la vérité? Et il s'en est allé. La vérité, sortant de l'eau à son tour, ne put se résoudre à endosser les vêtements du mensonge. Aussi est-elle allée comme ça, par les chemins, par les prairies, par les villages. Mais les gens qu'elle rencontrait la conspuaient. « Mais va donc, Gourgandine, a-t-on idée de se promener ainsi? Mais va donc te rhabiller, mais enfin !» La vérité, le rouge au front, s'en est allée, là-bas, dans la forêt, se cacher. L'humanité est ainsi construite, l'homme est ainsi fait, qu'il préférera toujours un mensonge habillé de vérité à la vérité toute nue.